طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. On continue donc le cours aujourd'hui de l'explication du Kitab al-Tawhid du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan qui s'appelle Qurrat Uyun al-Muwahidin avec le commentaire de Cheikh Salih al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala qui est At-Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin, donc un commentaire clair et résumé. On est arrivé maintenant dans le charh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan à l'explication du hadith rapporté selon Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu, qui dit que il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. C'est-à-dire que عبادة بن الصامت رضي الله عنه noble compagnon رضي الله عنه il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: quiconque témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, sans aucun partenaire, et que Muhammad est son serviteur et son messager, et que Jésus est son serviteur et son messager, et une parole qu'il a mis en Maryam, et une âme qu'il a créée, et que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité, Allah le fera rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action. Allah le fera rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action. Donc, on va expliquer maintenant les différentes phrases dans ce hadith-là. Donc, si je ne l'avais pas mentionné au début, bon, je le mentionne maintenant, on est au cours 19, parce que j'ai oublié de le mentionner au début, je crois. Donc, on est au cours 19 et je vais juste envoyer le message parce que j'ai oublié d'envoyer le message sur Internet pour ceux qui veulent suivre le cours par la radio. Donc, je leur envoie le lien tout de suite. Donc, on continue. Donc, l'explication du hadith. On va lire les commentaires que Cheikh Al-Fawzan a mentionné pour chacune des phrases de ce hadith-là. Après, on continuera l'explication du hadith mentionné par le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, au sujet de la première phrase dans le hadith, « Celui qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul et sans partenaire, il n'a pas de partenaire ou d'associé. » Et Cheikh Al-Fawzan il dit ay i'tarafa lillah subhanahu wa ta'ala bil 'ubudiyyah bi lisanihi wa qalbihi wa af'alihi fash-shahadatu qawlun bil lisan yatalaffazu bihi wa i'tiqadun bil qalb fa ya'taqidu ma tadullu 'alayhi wa la budda an ya'rifa ma'naha wa an ya'mala bi muqtadaha فلا يعبد إلا الله فلا بد من هذه الأمور الثلاثة أن ينطق بها وأن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها حتى يكون من أهل هذه الشهادة أما مجرد التلفظ بها من غير معرفة لمعناها فهذا لا ينفعه بل تصبح مثل اللفظ الأعجمي الذي يردده ولا يدري ما معناه وكذلك لو عرف معناها ولكنه لم يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه لأن المشركين عرفوا معناها فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ولكن لما لم يعملوا بمقتضاها لم تنفعهم. وهذا مما يؤكد على المسلم وجوب تعلم التوحيد ومعنى لا إله إلا الله والقيام بما تتطلبه هذه الكلمة. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فلا إله إبطال لجميع المعبودات من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده. نعم. donc le cheikh il dit Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى, il dit donc que témoigner, de dire la première partie du hadith, celui qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, et il n'a pas de partenaire et d'associé. Le cheikh il dit que donc ça c'est une reconnaissance que l'adoration elle appartient uniquement à Allah. Et il faut reconnaître cela par la langue, par le cœur et par nos actions. Et le témoignage, quand on dit la ilaha illallah, c'est une parole de la langue. C'est la langue qui prononce ce témoignage. Et il faut qu'il y ait, avec le cœur, il faut qu'il y ait la croyance. Donc tu dois croire en tout ce qui est indiqué par ce témoignage-là. Et il faut absolument également accepter, reconnaître et connaître sa signification. C'est-à-dire savoir qu'est-ce que ce témoignage signifie. C'est-à-dire que si quelqu'un il prononce cette phrase « La ilaha illallah » mais il ignore qu'est-ce que ça implique, il ignore qu'est-ce que ça signifie, et bien dans ce cas-là ça ne vaut rien. Et le cheikh il dit ensuite « Wa ya'malu bimuqtadaha » c'est-à-dire il doit agir selon les implications de cette parole. Il ne peut pas juste seulement, par exemple, dire cette parole puis après faire ce qui contredit sa signification ou agir en contradiction avec ce que ça implique. Il doit appliquer sa signification et vivre selon ce que cette parole implique. Et donc il ne doit adorer que Allah seul. Et donc le cheikh il dit qu'il faut qu'il y ait obligatoirement ces trois choses réunies ensemble. Il faut prononcer cette parole de la ilaha illallah, il faut connaître sa signification. Lorsqu'on dit la ilaha illallah, il faut savoir ce que ça signifie. Et il faut agir et appliquer ce qui est impliqué par cette parole. Pour faire partie des gens qui sont réellement sur ce témoignage. Toutefois, si quelqu'un ne fait que prononcer cette phrase sans connaître sa signification, eh bien dans ce cas-là, ça ne lui sera d'aucune utilité. Et ça devient en réalité comme une parole qu'on prononce dans une langue étrangère et qu'on répète sans savoir la signification. Donc ça, c'est inutile. C'est comme si on répète quelque chose en chinois ou dans une autre langue qu'on ne connaît pas. Et on répète des mots sans les comprendre. Dans ce cas-là, ça n'a aucune utilité. Et ça ne va pas profiter à la personne qui les répète. Et peut-être que la personne, elle le dit et qu'elle fait le contraire parce qu'elle ne comprend pas qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Et c'est ce qui se passe malheureusement souvent dans le cas de beaucoup d'entre les musulmans qui prononcent « La ilaha illallah » mais qui ignorent la signification. Alors, ils font des choses qui sont en contradiction directe avec la signification de « La ilaha illallah ». Ils font toute forme de sorte de shirk. Ils adorent les tombes, ils adorent les saints, ils prient à des hommes au lieu de prier à Allah seul. Et ça c'est une annulation totale de la signification de la ilaha illallah. Le cheikh il dit également wa kadhalika, de même que si la personne connaît la signification de la ilaha illallah mais qu'elle ne l'applique pas, elle n'agit pas selon ce que cette parole implique, alors dans ce cas-là ça ne lui sera pas d'aucune utilité. Si quelqu'un il dit moi oui je sais ce que ça veut dire la ilaha illallah, ça veut dire que c'est seulement Allah qui doit être adoré, on ne doit pas adorer d'autre que Allah, puis par la suite il s'en va puis il adore d'autre que Allah et il fait des du'as pour autre que Allah et il offre des adorations à d'autres que Allah, alors dans ce cas-là, ça ne lui profitera pas parce qu'il n'a pas agi selon ce que la parole implique. Et c'est la réalité de ce que faisaient les mouchriquins à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils connaissaient la signification de la ilaha illallah, ils la comprenaient parfaitement. Et ils la comprenaient parfaitement, mais ils refusaient de la dire pour la simple raison qu'ils refusaient d'accepter la vérité. Et parce qu'ils refusaient de cesser d'adorer leurs idoles. Donc la preuve qu'ils comprenaient parfaitement la signification de la ilaha illallah, elle est mentionnée dans le Coran. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 5 dans sourate Sad, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. A-t-il fait de toutes nos divinités une divinité unique? C'est-à-dire, on doit cesser d'adorer toutes nos idoles et adorer seulement Allah? Ça, c'est une chose étonnante. Hein? On doit cesser d'adorer les idoles et on doit adorer seulement Allah? Ils ont compris qu'est-ce que ça voulait dire, la ilaha illallah. Et quand ils ont dit aussi dans le verset 36 dans sourate As-Saffat, hein, la parole que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée à leur sujet, أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ إِنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. C'est ça le verset qui était avant. Hein? Lorsque on leur dit, ceux-là, c'est-à-dire les mouchriquins, quand on leur disait « La ilaha illallah », c'est-à-dire de témoigner que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, ils s'enflaient d'orgueil, ils devenaient orgueilleux. Hein? « يستكبرون ويقولون » Et ils disent « أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ » Est-ce qu'on va délaisser nos divinités pour un poète fou? Donc ça veut dire qu'ils ont très bien compris que de dire « La ilaha illallah » impliquait pour eux de laisser leurs idoles. Parce qu'ils disent « أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا » Est-ce qu'on va délaisser, arrêter d'adorer nos idoles? Hein, est-ce qu'on va arrêter nos idoles, hein, arrêter d'adorer nos idoles pour un poète fou? Ils disent ça quand, lorsqu'on leur a dit de dire la ilaha illallah. Donc ils ont compris que de dire la ilaha illallah implique de délaisser l'idolâtrie, de délaisser le shirk, de délaisser l'adoration des morts, des statues, des idoles, de tout ce qui existe en dehors d'Allah et d'adorer Allah seul. Hein, ils avaient compris ça. Mais ils ont refusé. Alors ils se sont obstinés, hein? Ils se sont obstinés à rester dans l'idolâtrie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça aussi dans la suite de sourate Sa'd, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ فَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادٌ. Hein? C'est-à-dire, ils ont, les notables parmi eux ont dit, hein, marchez et continuez, soyez endurants, hein, pour vos, dans vos, dans le chemin, dans l'adoration de vos idoles. Soyez endurants dans le shirk, hein, soyez patients, restez fermes dans le shirk. Inna hada la shay'un yurad. C'est une chose qui est voulue. Donc, ça veut dire que, ils ont su la signification de la ilaha illallah, puis après se sont obstinés, hein, à vouloir persévérer dans le shirk et à vouloir rester ferme dans le shirk et dans l'égarement et dans l'adoration des idoles. Nasallallahu ala afiya. Donc ça, c'est la preuve que si quelqu'un connaît la signification de la ilaha illallah mais qu'il n'agit pas selon ce que cette parole implique, elle ne lui sera d'aucune utilité au jour de la résurrection. Et il dit, et ça c'est ce qui vient confirmer le fait que pour le musulman, il est obligatoire d'apprendre le tawhid et d'étudier l'unicité d'Allah, et qu'est-ce que ça signifie, et de connaître la signification de la ilaha illallah avant toute autre chose, et que ça c'est la plus grande des choses, la plus importante de toutes les choses qu'on peut apprendre en islam. Et il faut également agir pour appliquer ce que cette parole implique. Donc la signification de la ilaha illallah, c'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et qu'il n'y a pas de chose qui est adorée, qui mérite cette adoration, excepté Allah seul. Donc, on la divise en deux parties. La partie de la ilaha, qui annule tout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et la partie illallah qui affirme l'adoration à Allah seul. Ensuite, le deuxième point dans le hadith, la deuxième phrase, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, c'est-à-dire de témoigner que Muhammad est son serviteur et son messager, son esclave et son messager. Et le cheikh, il l'explique, cheikh Al-Fawzan. Ah oui, avant ça, il y a une question qui a été retranscrite dans la note de bas de page par rapport à qu'est-ce qu'on a lu auparavant sur la signification de la ilaha illallah. Il dit, سئل شيخنا حفظه الله أن بعض المسلمين يقولون إن معنى لا إله إلا الله إخراج الشيء الفاسد من قلب المسلم ووضع الشيء الحسن فهل هذا المعنى صحيح؟ فأجاب لا ليس صحيحا هذا كلام الصوفية معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وإخراج الشرك وإقرار التوحيد انتهى كلامه. Donc ici, on a posé la question au Cheikh, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, en disant que certains d'entre les musulmans, et ici on parle en particulier, parce que je connais cette parole, c'est souvent la définition que donnent les gens de Jama'at al-Tablir, ceux qui font partie de la secte de Jama'at al-Tablir. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils veulent expliquer la signification de la ilaha illallah? Ils disent que la ilaha illallah, ça signifie de faire sortir du cœur la chose qui est mauvaise et de faire rentrer la chose qui est bonne. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par la chose qui est bonne? C'est-à-dire la croyance que c'est Allah le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui fait vivre et qui fait mourir. En fait, c'est la rububiyya. Et donc, pour eux, le tawhid, ça se limite uniquement à affirmer la rububiyya. Et ça, c'est pas la signification complète de ce que signifie le tawhid en islam. Puisqu'on sait que les mushrikins et les gens de Quraysh avant l'islam, ils croyaient en la rububiyya eux aussi. Ils croyaient en la rububiyya. Et il disait, oui, Allah c'est le créateur. Mais ça ne les a pas sauvés de l'enfer et du châtiment. Et ça ne les a pas épargnés d'être combattus. Donc c'est la preuve que, cette définition de la ilaha illallah qu'il mentionne, elle est une définition qui est fausse. Et donc, pour revenir à la question que le cheikh, on lui a posée, certains musulmans disent que la signification de la ilaha illallah, c'est de faire sortir une chose corrompue du cœur du musulman et de faire rentrer ou de mettre la chose qui est bonne. Est-ce que cette signification est correcte? Et le cheikh, il répond non. Cette définition, elle est incorrecte et c'est la parole des soufis. C'est la parole des soufis. Et effectivement, les gens de Jama'at al-Tablir sont des soufis. Parce que le fondateur de la secte de Jama'at al-Tablir était lui-même un soufi de la tariqa Jistiyya et il a fondé son groupe, Jama'at al-Tablir, sur une allégeance à quatre parmi les turuq soufis. Les Naqshbandiyya, les Saharwardiyya, les Jistiyya et les Shadhiliyya. Donc ça c'est la preuve que ça confirme que effectivement c'est une parole des soufis et non pas l'explication du tawhid telle que les prophètes l'ont compris et l'ont enseigné. Donc le cheikh il dit la signification de la ilaha illallah à la fin de la réponse. Il, après avoir dit que ça c'est la parole des soufis, il dit la signification de la ilaha illallah, c'est que rien ne soit adoré excepté Allah. Et de faire sortir le shirk et d'affirmer le tawhid. Fin de la fatwa. Donc, pour continuer ensuite maintenant avec l'explication de la deuxième phrase, lorsqu'il dit que Muhammad abduhu wa rasuluhu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son serviteur et son messager. Donc il dit le shaykh, لا بد مع الاعتراف بتوحيد الله عز وجل من الاعتراف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فمن كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وجحد رسالته لم تنفعه لا إله إلا الله لأن اليهود يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يكفرون ببعض الأنبياء فلم تنفعهم حتى يصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويطيعوه فيما أمر ويتركوا ما نهى عنه وزجر ويعبدوا الله تعالى بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بهواهم أو بالبدع والمحدثات. Donc le cheikh il dit, donc il faut obligatoirement reconnaître, hein, en plus de la reconnaissance de l'unicité d'Allah et du tawhid d'Allah, il faut qu'il y ait également une acceptation et une reconnaissance de la prophétie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de son message. Il faut accepter son message et sa mission prophétique. Donc quiconque renie le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et refuse ou rejette son message, eh bien, le fait de dire la ilaha illallah ne lui sera d'aucune utilité, car les juifs disent la ilaha illallah eux aussi. Toutefois, le fait qu'ils renient la foi en certains d'entre les prophètes, comme Isa, hein, ils rejettent la foi en Isa, ils rejettent la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même s'ils disent la ilaha illallah, eh bien, ça ne leur sert à rien et ça ne leur profitera en rien, hein, parce qu'ils ont renié la foi en certains d'entre les prophètes. Donc, tant qu'ils n'ont pas cru en le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ne l'ont pas obéi dans ce qu'il a ordonné, et tant qu'ils n'ont pas délaissé, hein, et accepté de délaisser ce qu'il a interdit, hein, et ce qu'il a réprimandé, et également tant qu'ils n'ont pas accepté d'adorer Allah selon la loi et la charia du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et non pas selon leur passion ou selon les innovations et les choses inventées ou bien par des choses abrogées, eh bien Allah ne va pas accepter, hein, leur témoignage de la ilaha illallah, hein. Et également la suite du hadith, wa anna Isa Abdullah wa Rasul, an Isa Abdullah wa Rasul. Naam, wa an Isa Abdullah wa Rasuluhu. C'est-à-dire, il faut témoigner également parmi les exemples de qu'est-ce qui est mentionné dans le témoignage, il faut témoigner que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. Et le Cheikh il dit Isa ibn Maryam عليه السلام عبد الله ورسوله ليس له شيء من الربوبية كما تقول النصارى إنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون فقوله عبد الله هذا رد على النصارى ورسوله هذا رد على اليهود الذين يجحدون رسالة عيسى. Donc le cheikh il dit que Isa, le fils de Marie, hein, c'est un esclave d'Allah, un serviteur d'Allah, un messager d'Allah. Il n'a aucune part de la seigneurie et de la divinité. Il n'a aucune part de la seigneurie et de la divinité, hein, contrairement à ce que disent les chrétiens, hein, parce que les chrétiens, eux, ils croient que Jésus est Dieu, hein, ils disent Jésus est Dieu, ou bien ils disent qu'il est fils de Dieu, ou bien qu'il est une partie de la Trinité. Qu'est-ce qu'ils appellent la Trinité, hein, parce que pour eux, Dieu est composé de trois personnes. Ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et que ces trois-là sont Dieu. Et ça, hein, c'est clair que c'est du kufr, hein, que Allah soit purifié et exalté de ce genre de propos idolâtres. Hein. Et c'est pour cette raison donc que le musulman, hein, ou bien quelqu'un qui se convertit à l'islam, quand il était chrétien auparavant, il témoigne que Jésus est le serviteur d'Allah et son messager, et non pas fils de Dieu, ou Dieu incarné, ou bien Dieu fait chair, ou n'importe quel autre de ces mensonges et de ces croyances païennes et idolâtres. Hein? Et le cheikh il dit wa qawluhu abdullah, c'est-à-dire il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on doit témoigner qu'il est Abdullah. Abd, ça veut dire l'esclave. Hein? Donc l'esclave d'Allah. Donc il est esclave d'Allah. Et ça c'est un honneur. Hein? Il ne faut pas penser que le fait de dire à quelqu'un qu'il est l'esclave d'Allah, que ça c'est quelque chose qui le rabaisse ou qui le réduit ou qui le diminue. Au contraire, c'est quelque chose qui est un honneur. D'être un esclave d'Allah, c'est un honneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ses messagers et de ses serviteurs et parle d'eux dans les meilleurs contextes en les appelant justement des serviteurs. Hein? La plupart des versets, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne qu'il est un esclave. Hein? Subhanallahi asra bi'abdihi. Donc par rapport à l'Isra, il l'appelle Abd. Et dans plein d'autres exemples comme ça, dans le Coran. Il se réfère au prophète comme étant l'esclave. Donc le fait d'être un esclave d'Allah, c'est un honneur. Et plus le serviteur se rabaisse devant son créateur, plus il s'élève. Hein? Plus il s'élève. Plus il est élevé. Tandis que celui qui veut s'élever, Allah le rabaisse. Hein? Et donc c'est un honneur pour Isa d'être un esclave. Et ça c'est une réfutation des chrétiens. En disant qu'il est esclave, on réfute les chrétiens qui disent qu'il est Dieu ou fils de Dieu ou une part de la Trinité ou des choses de ce genre. Wa rasuluhu. Et on dit qu'il est son messager. Hein? Il est le messager d'Allah. Jésus, fils de Marie, est le messager d'Allah. Et ça c'est une réfutation des juifs, hein, puisque les juifs, ils renient hein, le message de Isa, alayhi salam. Donc, les juifs, eux, ils prétendent ou ils font croire qu'ils renient Jésus, hein, à cause du fait que ils prétendent qu'ils renient Jésus par rapport justement au fait que les chrétiens lui ont attribué la Trinité ou bien la divinité. Alors que hein, les musulmans, nous, on a compris et on a cru en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié au sujet de Jésus dans le Coran. C'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu et il n'est pas fils de Dieu et il n'est pas une part de la Trinité et que celui qui croit en ça en ces choses-là, ce n'est pas un croyant, il est un kafir. Et Allah, il le dit dans plusieurs versets dans le Coran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ. Et dans plusieurs autres versets aussi, donc il y a la mention de ces points-là, que quiconque croit que Jésus c'est Dieu, ou fils de Dieu, ou trois en un, ou des choses de ce genre, hein, que Dieu est une trinité, ça c'est des mécréants, c'est des gens qui ont rejeté la foi. D'accord? Et donc, tandis que eux, les juifs, ils se basent sur la parole des chrétiens pour justifier hein, leur rejet de la foi en le message de Isa. Toutefois, le message de Isa, c'était pas la trinité, et c'était pas de dire qu'il était le fils de Dieu. Ça, c'est des choses que les gens ont inventées après Jésus. Mais par contre, le message de Isa, hein, c'était le message du tawhid, de l'unicité d'Allah. Et il est venu confirmer la Torah. confirmer qu'est-ce que Allah avait révélé à Moïse et alléger pour eux les difficultés de leur religion. Mais ils ont refusé de croire en son message. Donc c'est pour cette raison-là qu'ils l'ont accusé d'être un enfant illégitime. Et ils ont accusé sa mère de fornication et des choses de ce genre. Donc les musulmans, nous, au contraire, on a accepté la vérité à son sujet, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a clarifié qu'il est né de façon miraculeuse. Il est né de façon miraculeuse, sans l'intervention d'un homme, et que c'est Allah qui l'a créé dans le ventre de sa mère, comme on va l'expliquer après, et qu'il a insufflé l'âme, il a envoyé l'ange pour insuffler l'âme, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que on est entre les deux extrêmes, des chrétiens qui ont fait de Jésus un dieu, et des juifs qui ont fait de lui un enfant illégitime, et qui ont renié son message et sa prophétie. Donc nous, les musulmans, nous sommes entre ces deux extrêmes, ces deux groupes extrêmes parmi les gens de l'égarement, les chrétiens et les juifs. Et ensuite, il dit le cheikh, Isa kalimatun la yujad, Isa kalimatun li wujida bi qawli Allah ta'ala kun fayakun. فهو ليس له أب وإنما وجد من أنثى بلا أب والغالب في البشر أنهم يوجدون من ذكر وأنثى. Et il dit ça par rapport à la suite de la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith وكلمته ألقاها إلى مريم, c'est-à-dire c'est sa parole qu'il a mis en Maryam. Et qu'est-ce qu'il veut dire par kalima? Le fait que Isa est une parole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a été créé par la parole d'Allah, soit, et il fut. Parce que quand Allah ordonne à quelque chose d'être, elle est. Il n'a qu'à dire soit, et elle est. Donc il a dit soit, et il fut. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est une parole d'Allah. Et aussi, le cheikh, il dit que il a été créé de cette manière miraculeuse du fait qu'il n'avait pas de père. Et il a été uniquement créé de cette façon, sans père. Alors que en général, les êtres humains ont tous un père et une mère. Mais on sait qu'il y a à ça des exceptions. On sait qu'il y a à ça des exceptions. Et on va le voir dans la suite de qu'est-ce que le cheikh il va expliquer ensuite. La suite du hadith waruhun minhu, c'est-à-dire que Isa, Jésus, fils de Marie, est une parole que Allah a mis en Maryam et une âme de lui, c'est-à-dire une âme que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ça, cette signification. Qu'est-ce que ça veut dire une âme que Allah a créée ici? Il dit والمراد بالروح هنا الروح المخلوقة فقوله منه روح منه من ابتدائية وليست تبعيضية مثل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فمن ليست تبعيضية كما تقول النصارى عيسى بعد من الله لأنه ابن الله تعالى الله عما يقولون بل المراد بمن هنا الابتدائية أي من عنده سبحانه بأمره وبأمره فعيسى عليه الصلاة والسلام روح مخلوقة كسائر الأرواح نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام في جيب مريم أو نفخ في فرجها فدبت النفخة إلى الرحم فوجد الحمل فوجد الحمل بإذن الله سبحانه وتعالى من غير أب والله على كل شيء قدير فقد خلق آدم عليه الصلاة والسلام من قبل دون أب أو أم وخلق من تراب قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ليس خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب فليس خلق عيسى من أم بلا أب بأعجب من خلق آدم عليه السلام خلقه من تراب بدون أم ولا أب فالله على كل شيء قدير يخلق ما يشاء. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par ar-ruh, par l'âme ici? C'est une âme qui est créée. Et quand on dit de lui, hein, une âme de lui, ça ne veut pas dire une partie de lui, ça veut dire une âme qui vient de lui, c'est-à-dire que Allah a créé. Et donc il explique que c'est pas tab'idi, mais c'est il dit c'est ibtida'iyya. Le min, il est pas tab'idi, il est ibtida'iyya dans le sens que c'est pas une âme d'Allah dans le sens que c'est une partie d'Allah, comme les chrétiens qui disent que Jésus est une partie d'Allah ou qu'il est le fils d'Allah, que Allah soit exalté de ce genre de paroles d'idolâtrie et de shirk et de kufr. Mais plutôt c'est une âme de lui dans le sens qu'elle vient de lui, dans le sens qu'elle vient de son commandement et de son ordre. Et donc Isa est une âme créée comme toutes les autres âmes. Et Jibril alayhi salam l'a insufflé dans la manche ou dans l'ouverture du vêtement de Maryam, ou bien il l'a insufflé dans yani pour que ça rentre dans son ventre. Dans sa matrice, son utérus, pour qu'elle soit enceinte. Et à ce moment-là, elle est devenue enceinte par la permission d'Allah sans père, sans qu'elle ait eu de mari, sans qu'elle ait eu de relation avec un homme, et sans que cet enfant n'ait de père. Et ça ne veut pas dire que parce que Jésus n'avait pas de père humain, que Dieu était son père. Comme les chrétiens, ils le comprennent malheureusement. Parce que Dieu n'a pas de femme, il n'a pas de relation avec des femmes, et ne se reproduit pas avec des êtres humains ou des femelles, ou bien avec des animaux. Comme les Grecs de l'Antiquité, par exemple, dans la mythologie grecque, il y avait ce genre de croyance chez les Grecs de l'Antiquité. Ils croyaient, par exemple, que Zeus se reproduisait avec des mortels, des femmes humaines, et que parfois c'était représenté par de la pluie qui tombait, ou bien par un vent, ou bien par n'importe quel autre moyen, et que ces femmes-là devenaient enceintes. Quand Zeus trouvait une femme à son goût, il la faisait tomber enceinte. Il avait un enfant avec elle, puis cet enfant-là devenait un demi-dieu. Cet enfant-là devenait un demi-dieu, comme Hercule, Persée et bien d'autres parmi les personnages connus dans la mythologie grecque. Donc tout ça, c'est bien entendu des mythes, mais malheureusement, ça a influencé les chrétiens. Et quand le christianisme est entré justement, parce que à la base, les enseignements de Isa alayhi salam sont les enseignements des prophètes précédents, Moussa, la Torah et l'unicité d'Allah fait partie du message de ces prophètes-là et de ces messagers, et Isa, il a enseigné la même chose que les prophètes précédents en ce qui concerne la foi en l'unicité d'Allah. Il n'y avait pas de contradiction. Mais les chrétiens, par la suite, ont déformé les enseignements de Jésus et ont justement incorporé des croyances païennes dans les enseignements de Jésus. Ils ont mélangé ça et c'est devenu qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la Trinité. Et il faut savoir aussi que ça c'est venu bien longtemps après Jésus. Et on mentionne dans les livres d'histoire que le premier concile qui a été établi pour la religion chrétienne, c'était le concile de Nicée, 325 ans après Jésus, et que c'était établi par l'empereur Constantin, qui à l'époque était encore un païen, et qui a ordonné donc aux évêques, les différents évêques chrétiens de l'époque, de se réunir pour déterminer qu'est-ce qui allait être la croyance du christianisme. Et ils ont procédé par un vote, et parmi les chrétiens, les évêques chrétiens, parmi eux certains étaient unitariens, d'autres étaient trinitariens, d'autres avaient d'autres croyances différentes, et certains étaient contre la Trinité. Mais la croyance qui a eu le dessus, ou qui a pris le dessus, et qui a eu le gain dans le vote, c'était la croyance des trinitariens. Donc c'est eux qui ont emporté le vote, et donc c'est pour ça que l'Église catholique aujourd'hui a adopté la croyance en la Trinité. Tandis qu'il y a d'autres églises chrétiennes dans le monde qui continuent à rejeter la Trinité, et qui refusent d'y croire. Mais c'est pour dire, Yanni, que c'était pas la croyance d'origine de la religion chrétienne ni des enseignements de Jésus. D'accord? Donc ça, c'est un point important à comprendre aussi et à connaître pour comprendre donc la déformation des enseignements de Jésus. Et puis aussi pour savoir l'origine, comment cette fausse croyance a réussi à s'introduire dans le christianisme et en Europe, justement parce que les Européens avaient déjà ces notions païennes de croyance en des divinités qui ont des relations avec les êtres humains, puis qui ont des enfants avec des femmes et des choses de ce genre. Chez les hindous, il y a des choses semblables. Chez les égyptiens de l'antiquité aussi, il y avait des choses semblables aussi. Donc ça, c'est chez les mouchriquins qu'il y a ce genre de croyance, tandis que chez les musulmans, non. Chez les musulmans, que ce soit l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'islam de Jésus, ou l'islam de Moussa, l'islam de Issa, tous sont venus avec le même islam. Tous sont venus avec le même islam, c'est-à-dire le tawhid et l'unicité d'Allah. C'est le message fondamental de tous les prophètes et de tous les messagers. Et donc, le cheikh, pour revenir à qu'est-ce qu'il explique, il dit que donc Mariam est devenue donc enceinte à partir de ce moment-là. Et ça, c'est un miracle. Et le fait qu'elle n'avait pas de mari, ou elle n'a pas eu de rapport avec un homme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cet enfant-là en elle, de façon miraculeuse. Et ça ne fait pas de Jésus un fils de Dieu. Ça ne fait pas de Jésus un fils de Dieu. Sinon, l'exemple à répondre à ceux qui prétendent ça, c'est l'exemple, qu'est-ce que le cheikh il dit ici? Que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il a créé Adam. Il a créé Adam. Et il a été créé sans père ni mère. Adam, le premier des hommes, n'avait pas de père ni de mère. De même que Ève, la femme de Adam. Elle n'avait pas de père ni de mère non plus. Allah les a créés il a créé Adam à partir de la terre. Et il a insufflé en lui l'âme et il est devenu vivant. Et Ève, il a créé à partir d'une côte de Adam. Donc elle aussi, elle avait ni père ni mère. Et le cheikh, il dit donc, si c'était le cas, si c'est le cas pour Adam, qu'il avait ni père ni mère, et malgré tout, demandez à n'importe quel chrétien, qui croit que Jésus est fils de Dieu. Est-ce que Adam est le fils de Dieu de la même manière que Jésus est fils de Dieu? Ils vont dire non. Pourtant, Jésus avait une mère, tandis qu'Adam n'avait ni père ni mère. Donc il mériterait plus, dans ce cas-là, d'être appelé fils de Dieu que Jésus. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le verset 59, dans Surat Al-Imran, l'exemple de Isa, hein, par rapport à Allah, c'est comme l'exemple de Adam. Il l'a créé à partir de la terre. Il lui a dit fut et il fut. Hein? Donc ça veut dire que si vous dites que Jésus est fils de Dieu, dans ce cas-là, vous devriez dire encore plus que Adam est fils de Dieu, puisque Allah l'a créé sans père ni mère. Et en réalité, c'est pour dire que ni un ni l'autre ne mérite d'être appelé fils de Dieu, puisque Dieu n'a pas de fils. Tout ce qui existe par rapport à Allah, c'est la relation entre le Créateur et la créature. Il n'y a pas de relation entre père et fils pour Allah subhanahu wa ta'ala, puisque il n'a aucun enfant parmi ses créatures. D'accord? Et la même chose aujourd'hui, hein, à notre époque, il y a plein de choses qui devraient nous faire prendre conscience de l'absurdité de cette croyance des chrétiens, puisque à notre époque, avec les bébés qui sont faits in vitro, ou bien avec les inséminations, on voit une femme qui, yani, on voit une femme qui n'a pas de mari, par exemple, qui n'a pas de mari, ou bien des choses comme ça, elle va aller se faire inséminer, hein, la semence d'un homme qu'elle connaît même pas, et puis elle va tomber enceinte à partir de ça. Donc ça, c'est pour dire, cette femme, elle a pas d'homme, elle a pas de mari, puis pourtant elle tombe enceinte quand même. Pourquoi? Parce qu'on lui met une semence. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il est bien plus capable de créer à partir de rien, hein, cet enfant-là, dans le ventre d'une femme, que les êtres humains, eux, qui utilisent une semence et qui l'injectent à l'intérieur de l'utérus de la femme, sans l'intervention d'un homme, hein, ou bien sans plutôt l'intervention d'un rapport entre un homme et une femme. Donc, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore plus capable. Si l'être humain est capable de faire ça, Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus capable. Donc je pense qu'on va s'arrêter pour ici, pour aujourd'hui, à ce point-là. On continuera la suite de l'explication du hadith au prochain cours, inshallah. On est arrivé à l'explication de la parole dans le hadith wal jannatu haqq wa anna al jannata haqq wa an-nar haqq. Donc ça, on va l'expliquer au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.